Et j'ai mon affaire cahier de venir nous rejoindre. Ça va bien. On va brancher ça. On va essayer de faire ça. Hop. En même temps, Pierre Caillé, donc voilà, musicien, je continue, on l'avait fait avec Loïc Burkhardt l'année dernière, on va faire, Pierre et Drapeau étaient là, et c'est vrai que d'un seul coup, travaillant avec ça, c'est souvent l'erreur qu'on peut faire, c'est d'oublier clairement le son et la musique liée à l'image, et je voulais, là avec Pierre, qu'on parle un petit peu de ça. L'idée, c'est que je me rappelle d'une rencontre absolument choc que j'avais eue pour moi, non musicien, qui était que j'avais vu à Bru une compositrice et une réalisatrice, et qui était sur scène, le film passait et la réalisatrice avait son synthétiseur, elle disait ah voilà, je t'ai proposé ça, et la réalisatrice disait non, là je suis pas trop d'accord, etc. Et d'un seul coup, on voyait le processus finalement de création qui avait ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi tu as vu avec des réalisateurs, ce côté des fois un peu conflit, mais qui amène autre chose finalement? De toute façon, il y a toujours des échanges qui sont obligatoires. Et sinon, il y a quelques jours, j'ai vu un reportage sur Philippe Serre, qui écrit quand même beaucoup de musique de film. Et il a dit une chose que j'ai trouvé très juste. Il disait que le plus dur dans ce métier, c'est de rentrer dans la tête du réalisateur. Et je crois que c'est là le secret. Forcément, je rencontre un réalisateur que tu connais ou tu ne connais pas, qui a une idée bien particulière de son film et de ce qu'il aimerait avoir dessus. Le problème, c'est que son métier, lui, c'est de faire des images. En général, mon métier, c'est d'écrire de la musique. Et déjà, il faut qu'on arrive à s'entendre, à comprendre ce qu'il veut et ce qu'il attend de moi. Voilà, donc il y a forcément des recherches à faire, des allers-retours, etc. etc. Ton cursus, c'est quoi? T'as fait une école de musique? Comment ça s'est déroulé? Moi, j'ai fait... En tout cas, pour en arriver à écrire de la musique pour des films, j'ai fait mon petit parcours à moi. Je sais qu'aujourd'hui, il existe depuis quelques années des formations au CNSM, par exemple, d'écriture de musique de film. Il peut y avoir 2-3 classes en France. Moi, ça n'existait pas, tout ça. J'ai un parcours aussi un petit peu atypique, mais je crois que c'est le cas de tous mes collègues compositeurs que je connais. Moi, pour ma part, j'ai fait un peu de piano, après j'ai fait plutôt du jazz en formation, quartet, quintet, tout ça. Après, j'ai fait de l'arrangement de jazz aussi, écrire pour Big Band, enfin, c'est des trucs particuliers. Puis après, je me suis quand même orienté vers la musique classique, où j'ai fait de l'orchestration, de la lutte, des choses comme ça, mais je crois qu'il n'y a pas de recette. Je vous conseille de regarder le site de Pierre. Hein, on va aller en détail dans ton travail. Comme vous le voyez là, il a marqué, c'est une bonne nouvelle, sur la compétition. Donc voilà, il a fait, vous pouvez l'entendre en tout cas cette année, sur le film de Lorraine Brégand qui s'appelle L'Ogre. Et à l'intérieur de ça, vous avez il y a plein d'autres choses. Il vous montre aussi, mais ça marche jamais le PDF là, voilà, mais voilà, ça, à chaque fois j'essaie de le mettre. Un jour, voilà, il vous montre son studio. Magnifique. Voilà, plein de photos comme ça. Et sur ce toi, tu es compositeur ou tu aussi te dis, tu dis que tu peux faire les bandes-son? C'est bien, et on en parlait avec l'année dernière, l'idée de concepteur sonore, musicien, etc. Oui, moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire plus de la musique que du son, mais il y a quand même pas mal de films aussi où j'ai aussi fait le son, c'est le cas de l'Ogre d'ailleurs. J'ai fait la bande-son et la musique, et puis j'ai fait ça aussi pour monsieur, quoi, pour d'autres choses. Alors après, c'est pas le même travail, il y a des spécialistes du son, il y a des spécialistes de la musique, il y a des gens qui font les deux. Et après, ça dépend des projets, sur un court métrage, je peux te permettre de faire les deux, mais sur une série, c'est pas possible. Et sur un long métrage, c'est même pas la vie de penser. Le combat des fois entre le concepteur sonore et le musicien, quand c'est pas le même. C'est toujours la même chose. Moi, je reviens sur ce qu'on disait. Loïc m'aimait aussi qui arrive, etc. Alors, des fois, il y a celui qui va faire le son à la fin du mixage qui va pousser un peu plus, le musicien, des choses comme ça. Ça peut être un problème. Ouais. Ça peut être un problème. Moi, je trouve que les plus gros problèmes dans cette collaboration entre le concepteur sonore et le compositeur, qu'il veut, et que donc c'est pas ça le plus gros problème. Il peut y avoir des problèmes où le compositeur va dire oui, mais là je mets des écouteurs et j'en veux pas. Ou inversement, où le constructeur sonore, il est toujours derrière son ordinateur et qui monte en permanence, contrairement au compositeur qui ne peut pas travailler en réel devant le réalisateur. Ça peut arriver que le constructeur sonore commence à découvrir la musique et à faire des choses qui te choquent vraiment, tu vois. Donc, mais en général, on s'entend bien. Alors, pour avoir quand même une idée, alors, on connaît, alors, on verra si on parle, parce que j'aimerais qu'on parle de choses assez concrètes, mais tu fais évidemment la pub, tu fais des séries télé, tu fais des choses. Nous, on connaît, en tout cas, pour l'animation, pour une collaboration, pour deux collaborations avec. Oh, normalement, ça devrait marcher si je mets le son. Si je mets pas le son, ça fait dommage pour moi. Donc, dans les eaux profondes, dont on travaille avec Sarah Vandenboom, comment ça se passe de manière concrète, on va prendre que deux exemples pour rester sur Jacques Troyer. Le travail avec Sarah Vandenboom, par exemple, c'est aussi un travail. Écoute un peu quand même. Donc, dans les eaux profondes, comment elle travaille Sarah, comment vous travaillez ensemble on parlait là, avec Georges et Boris justement de cette relation. Tu viens très tôt dans le processus, tu vois plein d'images ou pas, enfin, comment. J'arrive assez tôt effectivement dans le processus et en général, surtout avec Sarah, l'essentiel de la musique est écrite avant que le film soit fait en fin de compte. En maquette, hein, pas enregistré, mais elle a besoin de ça, il y a besoin de ce. Je ne sais pas si c'est elle qui a besoin ou si c'est moi, mais on arrive quand même assez rapidement à avoir des choses aussi comme une histoire d'argent. Collaboration, on te parle peut-être moins, parce qu'on aime bien parler du côté super artistique, c'est génial et tout, mais il y a quand même l'aspect financier, c'est-à-dire quand on monte un projet comme ça, déjà les films d'animation, vous savez tous que ça coûte très cher, et moi j'ai un autre problème, c'est que je suis un véritable gaspillage, j'aime pas travailler avec des machines. Donc mon travail coûte très cher aussi, c'est comme quand vous faites un film d'animation, vous payez plein d'animateurs, et ben, moi j'aimerais avoir plein de musiciens sur les projets. Donc malheureusement, je ne suis pas. Rentier multimillionnaire, je ne peux pas le financer moi-même, et donc c'est à la production de trouver des solutions pour me donner les moyens de faire ce que j'ai envie de faire. Et pour ça, ben, c'est exactement de la même manière qu'un réalisateur qui va essayer de financer son film, ou en tant que compositeur, j'ai aussi plein de commissions, des dossiers à monter pour pouvoir avoir des aides, enregistrer la musique, et etc. Donc du coup, pour ce genre de choses-là, donc, de la même manière qu'un réalisateur est obligé de d'écrire un scénario, de faire des recherches graphiques pour enrichir le dossier. Moi, je suis obligé de faire des maquettes avec un argumentaire assez précis sur la façon dont j'ai travaillé avec le réalisateur, sur vers quoi je vais diriger voir la musique du film, avec quel instrument, etc., etc. Donc, du coup, effectivement, on se retrouve souvent avec une partie de la musique écrite en avance. Alors, il peut se passer sur un film d'animation, d'autant plus que le temps de production est très très long. Entre le moment où je propose une maquette pour avoir des aides et la musique à l'arrivée du film, ça sera une chose complètement différente, bien entendu. Mais souvent, dans le cas de Sarah, j'avais déjà, je crois même l'année d'avant, j'avais présenté le projet à Annecy, Mouenef avait dit bon, on va faire ça l'année prochaine, on a fait une pseudo-annonce, et il y avait déjà une partie de cette musique dessus. Est-ce qu'elle est très directive? Est-ce qu'elle sait déjà, entre guillemets, est-ce qu'elle te propose ce fameux problématique du réalisateur avec le musicien, dire, je la répète à chaque fois, mais parce que voilà, ou dire, bah, tiens, je fais du Schubert ou du, je sais pas, un Portishead. Hein, non, mais c'est pas vraiment un problème qu'on a dans l'animation, parce qu'on travaille souvent en amont sur le projet. Le problème des musiques préexistantes, tu as surtout ça sur le long métrage où il tourne le film, il monte et puis il monte carrément sur les musiques existantes. Là, dans l'animation, ça m'a jamais arrivé sur un court-métrage d'avoir un réalisateur qui a monté son film avec nous. Quoique. En fait, dans le chiffre 6, ça m'est arrivé pour une tête 10. Mais. On va en parler. Mais pour en revenir avec Sarah, comment ça se passe? Écoute, en général, en début de production, elle envoie 2-3 musiques. Pour l'univers, moi, on voit toujours des musiques un peu qui n'ont rien forcément à voir entre elles, tu vois. là, pour la musique du film, la seule chose qu'elle m'a envoyée, c'était un truc complètement délirant. C'est un espèce de groupe de musique David Estelle, je pense, qui jouait des instruments bizarres et qui chantait avec des fois limite avec des harmoniques, un truc super particulier. En disant, oui, mais tu comprends les percussions, et puis ça fait quand même un peu quatuor à cordes et tout. Et j'étais quand même un petit peu surpris, je vais dire, elle n'est pas là, mais j'en ai parlé avec moi. Et du coup, la musique du film n'aura absolument rien à voir avec ce qu'elle m'a envoyé, mais c'est pas grave. Alors, on va parler, on connaît réellement, en tout cas, je pense, pour beaucoup de gens, Pierre, pour une collaboration notamment importante avec ce monsieur. Le travail qu'on retrouve évidemment, j'ai pas pris le premier, on aurait pu parce que c'était, mais bien sûr le travail sur Raymond Tétana, donc le travail avec Franck Dion qui vient depuis l'inventaire fantôme, c'est toi qui, si je dis pas bêtise, on le disait, a amené l'idée du tango à un moment donné, en tout cas ce tango un peu fou là, avec cette chanteuse d'opéra, donc ça c'est vraiment la relation qu'on connaît le plus, même si Sarah Manet va voir deux films, en tout cas là, Franck a quatre films. Effectivement, j'ai travaillé sur tous ces films. Je l'avais appelé l'année où il avait présenté le concours de projet avec l'inventaire fantôme, c'était il y a, à mon avis, longtemps. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Mais, donc, juste pour vraiment servir le bâton, on peut appeler, toi qui l'as appelé, ça t'a vu, tu t'as vu, ça c'est un univers qui me plaît énormément. Oui. Et ça t'arrive d'appeler d'autres, tu peux faire d'appel des réals ou... Ça m'arrive de temps en temps, ça n'arrive pas tous les jours. Mais là, je ne sais pas, j'avais flashé sur ce truc-là. Donc, je vais téléphoner avec une de mes copains. Mais pour en revenir à la façon dont je travaille avec lui, bon, le tango déjanté, c'est une idée de Franck. Et en fait, le problème, là, on a fait quatre films ensemble. Là, on est en train de réfléchir à un cinquième. Et le problème avec ce garçon, c'est qu'il me lance des films. D'ailleurs, il y a des musiques que je n'aurais jamais écrites par moi-même. Enfin, il me demande de la musique que je n'aurais jamais écrite par moi-même sur ces films. Donc, c'est-à-dire sur l'inventaire fantôme, effectivement, il y a une espèce de tango déjanté qui sort de la radio. Pour Monsieur Coq, c'est une musique un peu double. Il y a un côté jazz, c'est un peu kitsch. Pour Monsieur Coq, quand il est content, et puis après, c'est carrément. Si on voulait, après, avec l'utilisation internationale. Avec l'utilisation internationale, bien entendu, pour le barbu. Là, pour Raymond Tétana, il m'a dit qu'il voulait un roi du raccord, absolument. C'est là où, j'ai eu plus de liberté sur le film au niveau musical. Après, quand il m'a appelé pour. Qu'est-ce qu'on a fait après ? Une tête disparaît. Une tête disparaît. Quand il m'a appelé pour une tête disparaît, il m'a dit écoute, voilà, c'est un film, il n'y a quasiment pas de musique. Et il ne voulait pas de musique sur le film. Moi, c'est un de mes regrets d'ailleurs, c'est que j'en voyais plus sur une tête disparaît. Il y avait quand même 2-3 endroits où j'en voyais. Lui, n'en voulait pas. Et comme je connais le personnage, qui est très têtu, je n'ai même pas cherché à lui en proposer. J'aurais dû, je trouve, être un peu aujourd'hui. Mais là, c'est pareil, il m'a lancé un nouveau défi. Il m'a dit écoute, sur ce film-là, je veux du free jazz. Ce qui est quand même relativement vague. Donc. Bah écoute, très bien, faisons-le. On est arrivé. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé à ce qu'on a fait dessus. Mais... Est-ce que quand on travaille sur quatre films maintenant avec le même réalisateur, la même réalisatrice, c'est le même réalisateur, ouais. Il y a des automatismes, il y a des choses, il y a. Alors, je ne suis pas sûr que Franck soit la personne peut-être la plus facile pour avoir des automatismes, parce que lui-même change quand même énormément dans son travail, même si graphiquement ça. On retrouve des choses, en tout cas, voilà, il essaye de travailler sur des rythmes et des choses différentes. Mais ça aide quand même un petit peu d'avoir des raccourcis quelque part. Oui, moi, j'ai travaillé avec quelqu'un, c'est toujours plus rapide la deuxième fois, et encore plus la troisième fois. Là, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de Sarah, je suis en train de faire le troisième film avec elle. Effectivement, ça va plus vite. Oui, c'est vrai qu'elle a fait un squelette avant. Ouais. Mais ça va plus vite. Et puis aussi, il y a un rapport de confiance qui s'établit entre le réalisateur et moi. C'est-à-dire qu'au début, quand tu débarques sur un film, le réalisateur, il a peur parce que c'est son bébé, surtout dans l'animation. Il travaille dessus pendant un an, deux ans, comme un malade toute la journée. Il voit plus sa famille, il fait que ça, son film. Et puis, il y a un mec qui débarque et qui dit « Je vais te mettre de la musique sur ton film. » Sauf que son film, il est dans sa tête et c'est super... ça doit être super dur pour un réalisateur de mettre quelque chose par-dessus son film. Comment vous parlez avec Franck? Je sais que je reprends toujours la même, je suis désolé pour ceux qui viennent régulièrement, mais le même exemple, c'est Jean-François Laguioni qui disait par exemple pour l'île de Blackmore, je sais pas si l'île de Blackmore, en tout cas, il avait travaillé à ce pas l'île de Blackmore, parce que pour le tableau peut-être, travailler avec des musiciens, des fois leur langage commun était plutôt des sensations, ils disaient ça, j'aimerais que ça soit un peu plus sucré, ou alors des couleurs, voilà, moi j'aimerais que ça soit un peu rouge comme ça, et travailler sur, tenter d'avoir des termes, on va dire, qui ne sont pas techniques d'un côté ou de l'autre, mais que les deux peuvent comprendre. Comment, toi là, concrètement avec Franck, comment vous parlez? Simple, puisque vous avez longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille ensemble, et que lui en plus a des attentes très très précises de ce qu'il veut sur ses films, ce qui n'est pas le cas d'autres réalisateurs. Tu vois, il y a des réalisateurs qui vont dire, par exemple, je voudrais une musique gay, et puis c'est à toi aussi d'arriver à comprendre ce qu'ils veulent et de leur proposer quelque chose. C'est le cas maintenant avec Sarah. Je sais que, on parlait de confiance tout à l'heure, je sais que j'ai vu proposer des choses et ça va prendre 250 ans parce que j'arrive à faire confiance sur le truc. Avec Franck, c'est pareil. Après, avec d'autres réalisateurs, c'est pas très compliqué, surtout les premières fois où tu travailles avec des gens. Moi, les pires cauchemars, effectivement, c'était dans la publicité, où tu as des directeurs artistiques qui te disent, oui, justement, plus bleu, là, fais-moi vert, fais comme ci, fais comme ça. Il m'est même arrivé une fois d'avoir le directeur artistique et le client dans mon studio à Paris. Et je faisais des modifications sur une pub pour une banque. Et alors, ça leur plaisait pas, ils étaient chiants et tout. Et en fait, on fait des maquettes avec des ordinateurs. Il y a un truc magique, c'est-à-dire que quand on veut changer une note avec la souris, on la prend puis on la déplace. On a un do, on peut mettre un mi, on peut mettre un ré, un truc comme ça. Le problème, c'est que sur mon ordinateur, quand on prend une note et qu'on la déplace, ça joue toutes les notes par-dessus laquelle passe la souris. Voilà. Donc le directeur artistique, tu fais un truc comme ça et tout. Et donc, j'attrape ma souris pour mettre la note, je ne sais pas, 12 notes en dessous, ou 20 notes en dessous. Quoi. Pour la bouger, quoi. Sauf que le problème, c'est quand je la bouge, c'est... Et là, le directeur dit, il fait, ah, mais c'est génial, c'est exactement ça, je suis... Et on a quand même pas fait pour l'animation. Mais j'ai été vraiment super énervé. Tout ça pour dire quoi, oui, effectivement, le plus dur, c'est d'arriver à rentrer dans la tête du réalisateur, à comprendre ce qu'il veut, et qu'il nous comprenne nous aussi, parce qu'il y a aussi un autre problème... entre la réalité et la fiction, c'est-à-dire c'est un petit peu la même différence entre un animatique, voire même un storyboard et le film terminé, c'est que moi je ne peux pas donner des partitions au réalisateur en lui disant oui, tu vois là c'est la musique de ton film, ça va être génial, il prend que dalle quoi. C'est comme si on donnait un roman à lire, un scénario à lire en chinois. Donc je suis obligé de faire des maquettes de la musique. Et le problème des maquettes, c'est que déjà c'est pas la réalité, parce que les machines sont bouettes parce qu'elles sont je suis curieux aussi. Oui, je comprends. Après ils sont tous affichés, affichés. Les machines ne donnent pas la réalité, donc il faut, et puis ça vit pas, c'est stérile, c'est un petit peu de la vieille image de synthèse par rapport à un dessin. Donc ça fait partie des choses aussi à expliquer aux réalisateurs. Pour la demi-heure après, tu nous as amené donc, sur le théâtre disparaître. Tu nous as amené la joie dans Brouillon Musique, Maquette Musique, 9 octobre, 29 décembre. Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on écoute Ah oui, alors, oui, c'est vrai, parce qu'on avait parlé des maquettes. Alors, pour revenir à une théâtre disparaître, au fond, je voulais du free jazz et pas de musique. Il y a quand même une séquence musicale au milieu. Et contrairement à tous les films sur lesquels j'avais travaillé avec lui, où très tôt, on avait déjà beaucoup de musique pour le film. Là, on est arrivé au moment de l'animatique. Et là, il a fallu que je commence à lui faire de la musique. Parce que j'ai pensé que j'ai de la musique. Alors, je savais que j'avais pertinemment, que j'avais presque un nombre. Et ce qui était très compliqué, c'est qu'il voulait du free jazz. Tout à l'heure, j'ai expliqué que les machines c'est-à-dire que on peut faire semblant de machine, on peut lui faire semblant de jouer, enfin lui faire jouer du Mozart, ça tient à peu près la route, c'est un peu flou, mais ça fonctionne, on peut lui faire jouer de la variété très bien, plein de choses. Après, il y a des techniques de jeu, par exemple, quand ça se utilise dans Free Jam, des choses comme ça. On ne peut pas faire ça avec des machines à part avoir un saxophoniste, on ne peut pas le faire pour faire des maquettes. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi sur ce film-là, dans la séquence du train de une tête disparaît, ou ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une vieille dame qui perd la tête et ça fait un petit peu en cacahuète à ce moment-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'avoir des vrais musiciens et qu'ils improvisent à l'image, qui a bien sûr un bon montant derrière, et faire une espèce d'improvisation dirigée pour le film. Mais là où j'ai pas fait le truc le plus simple pour Franck, là, au niveau des maquettes, comme il m'a demandé du fruitage, j'ai envoyé une maquette avec trois notes de saxophone, j'ai pris de la batterie, et en lui disant oui, tu vas voir, ça va être génial pour ton film, ça va super bien fonctionner. Que tu dois avoir ces animés. Alors c'est laquelle, il doit y avoir une question de date, ça doit bien plus. Il y a le brouillon musique juin 2015. Mais non, il y a plus tôt. Il y a 9 octobre. Alors mais vas-y, déjà. Juin. Mais les gars, c'est très fort. D'accord, tu mets laquelle Juin 2015. Juin 2015, si vous voulez dire. En fait, c'est la première maquette que j'ai envoyée à France, qui n'était pas à France d'ailleurs, sur son animal. C'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait de ma tête? Il se passe pas grand chose au niveau musical, mais tout était à faire dans l'improvisation sur le principe du free jazz. Donc on était parti là-dessus. Du coup, je vais en envoyer une deuxième. Donc là, on passe à la deuxième qui donc. Ça c'était juin, la deuxième elle est en octobre. Je suis très content de ça. Pas faire basket. Puis je voyais bien que j'étais coincé. C'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de lui envoyer un autre truc. C'est que je me suis dit, bon, comment je fais? Et puis il m'a dit, je veux bosser avec ce saxophoniste, etc., etc. Et en fait, j'ai passé des heures à écouter les disques de ce monsieur, le saxophoniste avec qui il voulait travailler, pour trouver des choses où il joue du saxophone free tout seul, que j'ai découpé comme un fou, patiemment, pour lui faire un montage, pour qu'il puisse se rendre compte de ce que ça pourrait donner sur le film. Donc là, déjà, il m'a dit, bon, on se rapproche plus. Là, on est finalement assez proche, en tout cas, quand on appelle dans les musicales, on commence en effet. On commence à avoir plus le truc, effectivement, de ce que ça va donner, de ce que ça va donner au final. Et donc j'étais obligé de tricher. Donc pour tricher, voilà, c'est ça pour. J'étais obligé de tricher pour le. Pour le curieux, parce qu'évidemment, on ne peut pas se payer, vous dire. Enfin, souvent, c'est un musicien, quand c'est un musicien un peu connu comme ça. Et en plus, c'est un musicien hongrois, donc c'était très dur de le faire venir à Paris, surtout pour faire des maquettes. Ouais. Donc, et je me suis débrouillé comme j'ai pu. Ça arrive rarement quand même, ça arrive surtout pour le free jazz ou des choses très très particulières, ou pour des choses de musique contemporaine. Voilà. Donc c'est qu'à partir de là qu'on a pu commencer vraiment à avoir un vrai échange sur la musique, à se dire bon, ok, là il m'a dit je comprends ce que là où tu veux en venir. Et puis je crois que la maquette que je lui ai envoyée après c'était la musique du film. Et donc la maquette de décembre. Et la maquette de décembre, ça doit être la maquette de la musique du film. Et donc là avec quoi? Avec la partie saxo qui a été enregistrée? Non, là c'est pareil, c'est des bouts du disque. C'est pareil, d'accord. Mais c'est que les machines en fait. Pareil, peut-être tu triches, peut-être la refaire, c'est pour ça que tu as fait la même, on a entendu la même section. Non, c'est du gros, c'est de la dynamique. D'accord. C'est que des machines en fait. Ok. La dernière maquette. C'est vrai que c'est la maquette qui a été validée. C'est là, d'un seul coup, Franck te dit c'est bon, c'est ça que je veux, ouais. Et c'est parti à l'enregistrement. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu trois maquettes, ça paraît bien. Oui, il y en a eu une ou deux ensemble. Moi, j'ai eu vachement de mal à travailler sur ce film, à comprendre ce qu'il voulait exactement, et même à comprendre le. Pas comprendre le film, parce que l'histoire, je la comprenais. Vraiment à comprendre ce qu'il voulait dire dans cette séquence. Et pourquoi l'utilisation du free jazz, parce que c'est pas un truc que je fais tous les jours du tout. Enfin, d'ailleurs, à la limite, c'est plus vraiment que du free. C'est qu'au départ, quand il m'a parlé de free jazz, je me suis laissé vraiment embarquer là-dedans en me disant, ah, super, on va improviser sur l'image avec des musiciens. Mais un réalisateur, il a trop peur pour ça. Ben, il y en a qui le font. Ouais. Et donc, à la fin, ça donne juste pour que les gens. Je pense que c'est la bonne séquence. Voilà, ça, c'est la séquence du film. Oh no, what have I done with my head? Mom, what's wrong? There she goes again, calling me Mom. Honestly. Thank you. train d'où ce Julius? Mais donc là, c'est bon, tu fais venir le saxophoniste, c'est ça à Paris, ou non, il enregistre de son côté, il envoie la, la banque, comment ça se passe? Non, j'ai bien tout le monde à Paris. C'est important, non, c'est vrai que ça paraît bête, mais comme tu disais, c'est important, ça veut dire que d'un seul coup, le producteur, là, bon, bah, les 3D, dont tu fais partie, donc c'est peut-être un peu plus facile, mais quand même, il y a l'idée de se dire, ben, oui, c'est-à-dire que ça, il faut qu'on le prenne en compte, il y a un aller-retour, il y a 3 jours à Paris, je sais pas, etc., et c'est important, quoi. Oui, c'est très important. Il faut, bah, du coup, on est obligé d'anticiper en fait, au niveau des dates, 2 ou 3 mois à l'avance, savoir que c'est tel jour à telle heure. De toute façon, c'est toujours une galère d'enregistrer des musiciens parce qu'il y a plusieurs personnes au même endroit le même jour. Et en plus, en général, c'est un délai très court. Hein, parce que pour un court métrage, en général, on a 3 heures pour enregistrer la musique, on n'a qu'une séance. Donc il faut anticiper. Bon, ça, quoi, c'est une question de planning. Alors, évidemment, le temps passe. Est-ce que vous avez une question ? Pour Pierre dans la salle, même sur le film dont on a parlé. Moi, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait avoir, c'est un dernier dessin. Peut-être que je vais pouvoir le passer quand même et l'entendre. Tu as travaillé pour Edmond et Titania et tu travailles. Je vais peut-être réussir à. Et là on voit pas, mais la vidéo est une vidéo du quatuor de l'enregistrement avec lequel. Est-ce que tu te permets des fois de changer les petites choses au niveau du moment de l'enregistrement, ou est-ce que Franck déjà, est-ce que le réalisateur, c'est le réalisateur qui demande d'être présent pendant le changement, et tu dis surtout pas, vous sortez, comment ça se passe les moments d'enregistrement? J'ai fait une bêtise, pardon. Mais écoute, moi généralement je demande au réalisateur de venir en général. Ouais. Parce que je sais qu'ils aiment bien. Il n'y a pas trop de risques à ce moment-là. C'est-à-dire que tout a été déjà tellement validé en amont avec les maquettes que du coup, c'est un moment que le réalisateur adore. Il arrive et s'assoit quelque part, il écoute la musique de son film qu'il a déjà validé, il trouve ça 1000 fois mieux que les sons classiques que tu lui avais envoyés par la poste. Donc en général, il est super content. Donc il ne faut pas s'en priver, c'est le moment le plus important avec le réalisateur. Est-ce que des fois, il y a une dernière question pour clore, on n'a plus clore depuis longtemps, un jour on fera aussi une rencontre sur tout ce qui ne fonctionne pas. On fera entre les concepteurs sonores et les musiciens, on prendra tous les projets où il y a le plus de problèmes et on s'en passe tous dessus, ça veut dire. Voilà, c'est ça. On en parlera à ce moment-là. On reste pour l'instant dans ce qui fonctionne. J'éteins. Est-ce qu'il y a des fois où il y a une vraie force de proposition, t'as vraiment une possibilité, mais vraiment ce coup de pas l'influer, mais de dire non, là je crois que vraiment, alors là ça va bien avec Free Jazz, c'est pas gagné, au contraire, l'inverse, là, est-ce que ça vaut le coup de tenter ça? Et donc ça veut dire que si, encore une fois, ça peut pas être, mais il y a un coup financier, tu fais la maquette pour essayer de dire au réalisateur, regarde, ça marche bien, mais évidemment il faut du son pour être sûr, et donc tu prends sur ton temps. Alors, moi, des propositions, j'en fais régulièrement, enfin, sur pas mal de projets, il y a toujours des propositions à faire. Moi, la façon dont je travaille, c'est qu'en général, quand j'arrive sur un projet, quand le projet se fait réellement, qu'on est vraiment en production, ce que j'ai le nombre de musiciens que j'ai. Par exemple, je sais que là, pour le prochain film de Sarah Vandenbaum, j'ai 10 musiciens. Donc j'ai 10 musiciens, mais si je veux, je peux prendre peut-être une petite fanfare, ou un accordéon, un piano, un quatuor à cordes, ou encore tout est ouvert. Et je m'efforce de faire mes propositions en fonction de mon budget, en fin de compte. Voilà. Je vais éviter de poser un orchestre symphonique pour un but budget pour 3 musiciens, parce que je sais que ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai forcément des propositions qui sont orientées. Merci beaucoup, Pierre. Demain, dernière journée, je vous rappelle, avec de nouveau Sunao Katabuchi pour la deuxième partie de l'entretien fait avec lui, à Miami de Cartoon Group, et un débat où j'espère vous participer, où on dira plein de gentillesse et non de certains films. On pourra dire qu'on n'aime pas le Big Vincent, mais qu'on aime d'autres choses. Enfin, voilà, des choses très, très objectives. Et merci beaucoup à Pierre pour votre présentation. Merci.